Bon, alors. Création école d'hiver 2020. Bienvenue à la 8e édition de l'école d'hiver. Dans le cadre de la semaine du son 2020, le laboratoire Cresson vous a concocté un programme aux petits oignons. L'objectif de la semaine sera de construire une installation sonore avec différentes situations d'écoute. Voici le premier plateau radio autour de la notion d'espace sonore. D'abord, place à Nicolas Rémy, professeur et chercheur en sciences et techniques pour l'architecture. Puis viendra Théo Marchal, architecte et doctorant spécialisé dans les outils numériques liés à la conception de l'espace. En seconde partie de table ronde intervient Éléonore Bach, artiste et enseignante à l'école d'art de Metz. Puis vient le tour de Grégoire Tchelkov, qui ajoute à cette définition de l'espace sonore la dimension de mouvement et de source du son. Donc en fait, si vous êtes d'accord, bien évidemment... Nicolas Rémy. J'ai pensé cette intervention absolument pas sous la forme d'un cours magistral, mais plutôt comme d'un parcours... j'allais dire personnel, dans cette tentative de définition, qui n'est pas forcément définitive, de ce que pourrait être un espace sonore. Donc je vous propose qu'on commence par l'écoute de deux fragments, et tout simplement d'essayer de deviner quelles sont les qualités, j'allais dire, de l'espace sonore qui vous est représenté ici dans cette prise de son, et puis éventuellement de voir si elles vous disent ces qualités-là, des éléments sur l'espace construit, l'espace physique dans lequel le microphone est posé. On écoute le premier fragment et puis je vous fais quelques commentaires après. Sur ce premier fragment, vous allez voir d'où il vient. En fait, ça vient d'une collection de sons qu'on a enregistrés pour le projet de recherche qui s'appelait Esquissons, dans lequel j'ai dirigé avec Grégoire et pour lequel Jean-Luc Bardine, Théo Marchal, Ngame Piroseno et Noah Gamal nous ont aidés à travailler. Et nous a trouvé très intéressant de travailler sur les balcons qui se situait en façade d'un certain nombre d'immeubles, et notamment d'immeubles de quartiers qu'on appelle éco-quartiers. Et dans cette écoute de fragments, je ne sais pas si vous aviez diffusion du son, on est sans cesse en train de se poser la question où est-ce qu'on se trouve, puisqu'on a des indices sonores qui nous donnent à la fois l'échelle de l'espace dans lequel se trouve le microphone, qui sont à l'extérieur, on entend clairement qu'il y a un enfant qui joue dans cette halle métallique, si vous le voyez ici sur la, sur le plan, sur la photo satellite, etc., qui donne l'impression que la scène sonore se situe à l'extérieur. Et puis, par ailleurs, on a effectivement le bruit des couverts qui rappelle que des conversations, qui rappellent qu'on est aussi à la limite d'un logement ou d'un espace qui est encore plus intime, et que donc du coup, en fonction des événements dans le temps et leur répartition évidemment dans l'espace, on a une définition, j'allais dire une représentation de l'espace sonore qui évolue et qui donc du coup dynamique et qui laisse sans l'intervention de l'image ou de, du visuel beaucoup de questions ouvertes, dans la mesure où je pense que si vous n'aviez pas la diapositive que je vous présente actuellement, vous ne sauriez pas, vous n'auriez peut-être pas une image très claire de l'endroit où on se trouve, de quelles sont les dimensions, les caractéristiques de l'espace sonore. Alors, sur ce jeu-là, je vous propose qu'on écoute, si vous voulez, un deuxième fragment, qui est aussi, à mon sens, assez intéressant pour ces questions-là, et que vous fassiez, si vous voulez bien, cet exercice d'essayer de comprendre comment, quelle est la scène sonore qui se joue devant moi et qui, bien évidemment, me décrit des qualités de l'espace construit et de l'espace sonore. On peut regarder la deuxième, écouter le deuxième son. Ici où se situe la prise de son en façade d'un immeuble, toujours dans le quartier allemand, français, pardon, de la ville de Tübingen en Allemagne. Les prises de son ont été réalisées par Jean-Luc Bardine, je ne sais plus si j'en ai parlé auparavant, et elles nous décrivent cette fois-ci un soir particulier, puisque c'est le soir où l'Allemagne et le Ghana jouent au foot pour la Coupe du Monde en 2014, je crois, 2010-2014, et pour lequel le score fait en sorte que le Ghana égalise vers la fin du match, et donc du coup finit à deux buts contre l'Allemagne, et c'est pour ça qu'à un moment donné vous entendez parler, crier les supporters de l'équipe du Ghana qui crient Ghana, Ghana, et donc du coup on a ici une scène sonore dans laquelle les espaces sonores sont imbriqués, où on est bien évidemment dans cet espace intermédiaire qui est le balcon, le micro est sur cet espace-là. Bien évidemment, il est extrêmement connecté à l'espace intérieur où il y a des enfants qui regardent le match et qui se réjouissent de l'évolution du score. Mais très rapidement, on voit que l'événement se déplace et que donc, du coup, d'autres balcons s'éveillent, d'autres espaces semi-publics. Et donc, du coup, inclus dans cet espace sonore qui se crée et qui nous raconte une histoire, des dimensions qu'on n'attendait pas forcément. Jusqu'à se terminer, à la fin, par des coups de pétard ou un ensemble de systèmes de signaux sonores qui s'ouvrent à l'échelle du quartier et même à l'échelle de la ville, puisqu'on entend un certain nombre de personnes qui se réjouissent de le score de ce match à une échelle qui dépasse largement celle du quartier, du microphone. Et c'est pour, en type d'exemple, si vous voulez, c'est pour ça que je les ai choisis, c'est quelque chose qui est un des résultats de ce qu'ils sont, c'est qu'on nous a montré, c'est ce que cette recherche montre un petit peu, c'est que en fonction de la hauteur où on se retrouve sur un balcon, et en fonction aussi bien évidemment de la configuration urbaine, c'est-à-dire la configuration de l'îlot dans lequel peut être localisé le balcon, on a donc la potentialité d'activer trois espaces sonores, trois réverbérations, on disait, qui est celle du balcon en lui-même où se situe l'usage ou la prise de son, c'est-à-dire à l'échelle de l'homme qui perçoit et qui agit sur son espace personnel, mais aussi bien évidemment dans le lien qu'a cet espace avec les façades avoisinantes, c'est-à-dire si le bâtiment sur lequel est situé le microphone a sur les côtés et sur la partie et sur en face est situé dans un îlot plus ou moins fermé ou plus ou moins ouvert, et qu'en fonction évidemment de l'intensité des événements, on peut être aussi un espace de production, mais aussi un espace de captation à l'échelle du quartier, c'est-à-dire du quartier français ici dans cet exemple-là, mais aussi à l'échelle de la ville. Théo Marchal nous parlera certainement plus tard des cloches du centre-ville de Stockholm qu'il avait pu capter sur un petit balcon dans un quartier du sud de la ville, à Hammarby en Suède. Donc du coup, c'est pour ça que très rapidement j'ai choisi ces deux exemples, car ma première réponse, j'allais dire à Grégoire, qui est Léonore et Théo qui m'a invité à participer à ce débat, c'est de me donner une définition, j'allais dire, de l'espace sonore. Ma première réflexe a été du coup de donner une définition qui est relativement mathématique, relativement physique, dans le sens où pour moi c'est un espace à quatre dimensions, c'est-à-dire qu'il a trois dimensions, il peut utiliser trois dimensions de l'espace physique de l'architecture, c'est-à-dire la largeur, la profondeur, la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur, et que bien évidemment la dimension temporelle est fondamentale dans le sens où cet espace sonore qui parfois reste et condensé aux limites de l'espace physique, mais très souvent le déborde et le dépasse complètement, est un espace dynamique dans le sens où il est sans cesse en train de changer. Ce que nous écoutons aujourd'hui, ce que j'ai pu entreprendre, ce que nous avons pu faire comme prise de son dans les différents quartiers sur lesquels nous avons travaillé sur les skissons, c'est des prises de son qui sont exemplaires dans le sens qu'elles représentent les lieux, elles représentent certaines qualités des espaces sonores que l'on étudie, mais il est évident que ce sont des espaces sonores qui n'existeront plus jamais, c'est-à-dire que le temps ne s'arrête jamais, et que donc du coup je pourrais quand bien même reproduire toutes les conditions similaires à l'apparition des événements. Les qualités de l'espace sonore sont bien évidemment, il y a certaines récurrences, je suis d'accord, mais il sera évident que même si l'Allemagne joue à nouveau contre le Ghana et finit avec un score à 2-2, que le fragment sonore sera différent et à jamais changé. Donc c'est pour ça que Sur cette première définition que je vous propose à discussion, on voit bien qu'il y a certaines limitations, c'est-à-dire que aussi bien en tant qu'acousticien, ça me semble intéressant de me figer sous cette forme-là, dans la mesure où ça me permet, comme toute étude physique ou mathématique, d'étudier certaines dimensions l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire par exemple la position des sources ou la position de l'écoutant dans un espace trois dimensions cartésien et avec une quatrième dimension qui est celle du temps. Ça me pose aussi des problèmes parce que ça me limite aussi dans mon appréhension et dans mon expérience personnelle de ce que pourrait être un espace sonore. Et pour ça, c'est pour cette raison que je vous ai ici proposé dans cette diapositive un encadré blanc avec la définition que l'on peut trouver sur les dictionnaires en ligne, très basique, quand on tape « espace » sur un ordinateur comme le mien, qui comprend que vous êtes en Grèce et qui donc du coup vous propose, propose de le dire. Vous pouvez voir ici « espace » ce qui veut dire en fait comment vous pouvez le dire en français. Donc ces deux petites définitions des dictionnaires qui sont très simples, que je trouve particulièrement intéressant, qu'on peut explorer si on a encore un peu de temps pour discuter, pour pouvoir discuter de façon plus précise sur les différentes dimensions des espaces sonores qui nous sommes amenés à travailler, aussi bien comme acousticien, architecte, artiste ou travaillant sur des installations dans l'espace public. L'espace sonore serait donc du coup une étendue qui ne serait pas obstacle au mouvement sonore, pourquoi pas. Et je vois qu'en deuxième définition, on nous propose un milieu idéal dans lequel sont localisées les perceptions. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant pour pouvoir continuer cette réflexion, ce mini-débat que nous essayons d'organiser. Diapositive suivante, je vous propose ici une série de réflexions, j'allais dire de mini-définitions que je vais commenter, avec à droite une série d'images qui me posent la question effectivement de comment je pourrais dans chacune des situations définir l'espace sonore, notamment dans ses limites, dans ses dimensions, et aussi bien spatiales que temporelles. Et il est évident pour moi, comme je vous l'ai présenté dans les deux fragments sonores qu'on a écoutés dans l'esquisson, que d'abord l'espace il est centré sur l'acteur écoutant. Donc c'est un microphone, c'est nous-mêmes qui sommes une petite vingtaine de personnes qui écoutons ensemble, un espace sonore qui est composé de sources réelles, in situ, de sources acousmatiques, peu importe. Mais pour moi, c'est important de penser que le repère, c'est-à-dire que le point zéro, est peut-être pas la source, la position de la source, mais plutôt la personne qui écoute. Tout simplement, je marche dans la rue et j'entends différentes sources. Et donc, du coup, j'ai une espèce de grosse bulle sonore qui m'entoure aux dimensions variables. Et ces dimensions et ces étendues, cet espace entre la source et moi qui écoute, est caractérisé par ma capacité à entendre. Et pardon, du coup, c'est pas parce que je suis dans mon salon et que j'ai un mur qui me sépare, une façade qui me sépare de l'espace intérieur de l'espace extérieur, que je ne participe pas à l'espace sonore depuis mon salon de la rue quand, par exemple, un véhicule passe et qu'il est particulièrement bruyant. C'est-à-dire que l'espace sonore ne voit pas les mêmes limites que l'espace visuel, pour moi, c'est évident, et il est d'abord centré sur celui qui écoute et qui agit dans l'espace. Donc, l'espace sonore, c'est donc un volume à trois dimensions. Là, je regarde ici la deuxième définition, avec du temps, c'est ce qu'on vient de parler. Et que donc, du coup, on a un espace sonore aux limites dynamiques, continuellement changeantes, et qui caractérise le potentiel d'écoute et d'action de l'acteur écoutant. Et vous avez ici différentes photos à droite. Par exemple, je commente la photo classique que l'on connaît du projet de Louis Kahn. Et je ne suis jamais allé, je ne connais pas ce lieu. Et pourtant, j'ai l'impression que je pourrais entendre l'espace sonore de cet espace, avec l'image, bien évidemment, visuelle que j'en ai. Il aurait certainement, et je passe à la diapositive suivante, des choses à me dire, c'est-à-dire que l'espace sonore est un espace de narration et un espace de production sonore. Dans le sens où parfois, l'espace physique, c'est-à-dire l'espace construit par le choix des matériaux, par les volumétries présentes, par le retour et par les différents filtres ou différentes réverbérations que l'espace physique applique sur les différentes sources qui sont produites dans cet espace, bien évidemment, aura forcément des choses plus ou moins importantes à me communiquer. Je peux entendre la matière, je peux entendre le béton, je peux entendre les différentes sources que je visualise sur cette image. Et donc, du coup, on est dans une situation où à la fois ma production sonore, la façon dont je vais parler, mais aussi donc, du coup, ma capacité à produire un espace sonore, mais aussi à celui de le recevoir, et va être extrêmement interdépendante avec les qualités de l'espace sonore. Parfois, et c'est le cas de cette image vous voyez à droite du projet architectural de Louis Kahn, c'est-à-dire une image où j'ai eu la chance d'aller, c'est à Skodafoss en Islande. On est dans à proximité d'une chute d'eau complètement démentielle en termes de hauteur. Donc, du coup, d'un point de vue d'un espace sonore, on est immergé à une distance très longue, très loin, dans un énorme bruit blanc, en fait, dans un. Si je le regarde d'un point de vue physique. Et pourtant, il y a une valeur émotionnelle à ce son, à cet espace sonore, qui est absolument démentiel. Et je pense que si vous avez eu la chance d'être à proximité de phénomènes physiques de cette échelle-là, il y a un côté très, très déstabilisant, c'est-à-dire qu'on est... et là, je fais référence plutôt à ce que va nous présenter Éléonore, la façon dont l'espace sonore communique et affecte et nous émeut concrètement sur cet espace. Donc, qu'est-ce que me raconte l'espace construit ou qu'est-ce que je produis sur l'espace construit? C'est une façon aussi pour moi de définir l'espace sonore. Bien évidemment, ce que me dit la temporalité du lieu ou ce que je produis moi sur le temps sonore est une autre façon pour moi de définir l'espace sonore, notamment ici avec cette image qu'on connaît tous, qui circule facilement dès qu'on parle de cours d'école. Ici, je ne sais pas du tout où se passent ces enfants-là qui jouent pendant la cour d'école, mais on a déjà dans notre tête, à la simple visualisation et par notre expérience, une idée de qu'est-ce que l'espace sonore d'une cour d'école dans la plupart des pays où nous avons vécu. Donc du coup, c'est à la fois sur des questions de temporalité, que cet espace sonore se définit, parce que c'est des choses qui arrivent souvent quand il fait beau et qu'à un moment où c'est le moment de la récréation, par exemple, dans les écoles françaises. Mais c'est aussi, ça me dit des choses sur les activités présentes, c'est-à-dire comment l'espace sonore aussi se définit par les usages et les pratiques et les postures et les façons dont les gens vont parler, crier, chanter, jouer, etc., qui vont nous donner une qualité sur laquelle je peux essayer de saisir ces qualités des espaces sonores. En fait, c'est ce que je finirai par là, c'est ce que les sons finalement me donnent à comprendre des qualités de l'espace, c'est-à-dire quel est le sens des sons et quel est finalement le sens que je donne moi en écoutant, en agissant sur l'espace sonore. Quelle signification je vais donner à ces messages sonores qui me sont transmis. Je fais référence à quelque chose qui ne m'appartient pas, en fait. C'est des choses qui construisent mon expérience individuelle que je mets aujourd'hui en débat. Et c'est des éléments que Jean-François Goyard défend depuis très longtemps en disant que le son, c'est du temps, c'est de l'espace, c'est des activités sociales et c'est du temps. Espace, temps, pratique sociale et du sens. Pardon. Voilà. Donc quatre façons, si vous voulez, de caractériser pour moi l'espace sonore. Bien évidemment, c'est toujours tout en même temps. Mais parfois, il y a certaines situations où l'espace sonore me raconte plus de choses sur l'espace construit. Parfois, il me raconte plus de choses sur le sens des sons. Parfois, il me raconte plus de choses sur les activités présentes ou sur la temporalité de l'espace. Et là, je fais référence aussi à d'autres situations que j'ai vécues ou pas. C'est l'église, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, l'église des frères prêcheurs, ici sur la photo à droite, avec les expos de photos dans cette église à Arles, qui pour moi a un lieu extraordinaire en termes d'ambiance sonore, justement, et que je trouve très, très, qui m'émeut particulièrement. Et je vous propose ici en bas aussi deux expériences que je n'ai pas vécues, puisqu'une, et c'est un projet qui ne va certainement pas être réalisé, puisque c'est le. C'est l'aménagement de la gare du Nord, un projet qui a été discuté récemment, et puis une expérience artistique à Guggenheim Museum à New York. C'est pour ça que je vais finir là-dessus, excusez-moi, j'étais peut-être un petit peu long, là, je vois 26 minutes sur mon chrono, que peut-être du coup, en fait, la première définition toute simple que l'on trouve sur l'espace, et l'espace sonore, qui est celle de cet espace, en français justement, cette étendue, qui ne fait pas obstacle au mouvement, c'est peut-être finalement une définition qui est plus générique, qui pourrait être utilisée pour l'espace sonore, qui pourrait donc l'étendue, qui ne fait pas obstacle à l'action-perception du sujet. Il y a cette distance, cette idée d'une distance géométrique entre la source et l'acteur écoutant, et cette dimension interactive dans le sens où c'est bien moi qui écoute, c'est bien moi qui donne du sens à l'espace sonore qui m'entoure et bien évidemment dans lequel l'espace construit va avoir un rôle particulièrement intéressant et qui peut faire l'objet d'études acoustiques ou de compositions artistiques. Voilà, j'espère que j'ai été entendu, que mon espace sonore a été partagé et je vais m'arrêter là pour cette présentation. Bien évidemment, si vous voulez que je reprécise des points, j'essaierai de répondre à toutes vos questions.